question à qu'un autre tour. Devant le micro, je crie comme un sourd. Je veux cette vie en mieux et je ferai tout pour. Y'a. Vous les avez vus, vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. À 1807, plus de 2000 bateaux ont quitté les quais de la ville de Bristol dans l'ouest de l'Angleterre. Ces bateaux partaient pour faire commerce des hommes, des femmes et des enfants atrocement capturés en Afrique de l'Ouest. Et c'est ainsi que la ville s'est enrichie sur une horreur humaine et sur laquelle se déploie aujourd'hui une prise de conscience qui nourrit la scène artistique locale. Une scène locale faite de contre-culture, de contestation, des outsiders qui font preuve et font toujours preuve d'une immense créativité. C'est à Bristol qu'est né le trip-hop au milieu des années 90. C'est à Bristol que Massive Attack a bouleversé les dance floors. C'est aussi à Bristol que vit l'artiste de street art Bansky. C'est toujours à Bristol que le 20 février 1995 sort un album qui allait inspirer des artistes du monde entier. C'est à Bristol qu'a été composé, produit et enregistré l'immense album Maxine Kay. Bienvenue dans une nuit des temps spéciale Tricky. C'est à Bristol que sont arrivés des migrants venus des colonies anglaises comme les Antilles, les Caraïbes, la Jamaïque. Et c'est aussi dans un council estate, c'est-à-dire des logements sociaux anglais, que naît le petit Tricky le 27 janvier 1968. Il vivra principalement chez sa grand-mère Violette qui lui fera découvrir Billie Holiday et lui apprendra à vivre à Knoll West, un pur quartier pauvre peuplé de gangsters à Bristol. Tricky grandira en multipliant les larcins qui le conduiront en prison pour trafic de faux billets. Il dira à propos de cette période « Là-bas, j'ai appris que cette vie de gangster n'était pas faite pour moi ». Alors, en sortant de tôle, au milieu des années 80, il s'initie à un mode de vie alternatif, il enchaîne les petits boulots et surtout écoute énormément de musique. Tricky traîne alors au Saxon Studio International. C'est un sound system qui cultive les rythmes jamaïcains du dancehall, le hip-hop, mais aussi le breakdance. Il sort aussi au Moon Club, au Bamboo Club et au Tropic Club. Et dans ces clubs, on joue aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de reggae. Les nuits de Bristol sont alors un écrin où tous les ados de toutes les origines sociales et culturelles se croisent. Et parmi ces clubs, il y avait le Dag Out. C'est un peu l'équivalent de l'Hacienda à Manchester. On y joue du disco, du punk, du hip-hop, du reggae, du ska, de la soul et même du folk. Et c'est là-bas que se forme le collectif The Wild Bunch. Un collectif porté par le percussionniste Nelly Hooper que l'on retrouvera par la suite chez Massive Attack. Ils fondent le groupe Big Bag, que l'on écoute tout de suite, et qui aura eu son instant de gloire avec ce revigorant Papa's Got a Brand New Big Bag. Bienvenue dans le son de Bristol. Nous sommes en 1983. 1985, Bristol devient la capitale du street art. Les précurseurs du trip-hop, eux, pointent leur bout du nez. Voici les géniaux Smith & Mighty. I'm free. Just turn around and ask yourself, is this communication? Accentuate the positive and give some illustration. See, man, shout, you're no one. You turn the microphone on, control communication when I'm kicking it. And so on to the point that I need the air that I breathe into an audience that's waiting and ecstatic to receive. For the meantime, another mean rhyme. I know what the time is, the crowd will keep on playing it through the speaker boxes. Loud's my diagnosis, cause I believe in miracles and words in steady doses. Enough R-E-S-P-E-C-T. Respect yourself, express no stress. The mic is easy, just believe that all you need is the air that you breathe. Ask yourself, man, child, will you ever win? For the words, I turn the microphone on and figure a speech to reach you at the back. And so on the style, I'm simulating dance floors. Raise your body temperatures now, and this demands for powers in the amp. You know, loud's my diagnosis, cause I believe in miracles, words in heavy doses. Néné Chéri va encourager ses collectifs de Bristol et les appeler pour son premier album qui contiendra ce célèbre Manchild que l'on vient d'écouter. Et puis il y a Nelly Hooper et 3D dans la clique. Tricky les rejoint. Et c'est ainsi que Massive Attack sort son premier album, Blue Lines. À 22 ans, Tricky se pose en architecte du titre Daydreaming. Nous sommes en 1991, nous sommes à Bristol, et boum, et cheeky boum, c'est massif. Touch you like cocoa. Smooth to keep you moving at the back now. Free is the needle, is moving through the track now. Dance to the drummer's beats, we need new sticks. Bounce around the vibes like acoustics. No drugs or pharmaceuticals, for the body ain't suitable. Stick with liquid, me a trick with. Draw on paper which I use my tongue to lick with. Trouble in strife, ain't no sunshine in my life. Wise guys get protection when they carry a knife. They shouldn't have been born, they're making me yawn. But I just take it easy, it's a Sunday morn. So you come on, light my fire, and together we'll grow. Forever watch my AK rig go. Because my AK rig goes boom boom. My AK rig goes boom. Yeah, rhyming the jamina, we got the stamina. In case you never know, I said we don't give a damn. And this out the handle, keep your distance. Resist and the posse gets the pleasure of distance. A cool breeze that you're welcome in the heat. You don't see it, but you feel it when it's blowing on the street. If I was a rich man, a quietly observed standing in my space. As a devious days, they call the rat race. It's a concrete jungle, what? Evil in the town, what? Weebles wobble, occasional squabble. But what happened when the bomb drops down? Don't make a sound. Yes. Cause the dance floor's a desert and the dancers are parched. I do a rain dance and your brain's still marsh. Not heavy, my brother, get lighter than helium. Float above the world to break the tedium. Living in my headphones, zone is what I say they were. The surreal boom of the Budokan Stadium. You in the lost and found. When you're passing one around, no crowd, so you're going for your tool again. Six ans après sa sortie, Blue Line est considéré par le journal The Guardian comme l'un des albums les plus importants de la pop. Mais comme souvent avec Tricky, ça déborde. Ça déborde, ça dépasse. Et Massive Attack ne suffit pas. Le trip-hop, terme qui sortira 3 ans après la parution du premier album de Massive Attack, et sous la plume du critique Andy Pemberton, eh bien Tricky, ça le saoule. Et il dira à ce propos, quand tu crées une chanson, tu n'imagines pas qu'un jour, les gens vont l'écouter. Puis ça finit par arriver, tu passes d'un petit studio à des clips diffusés sur MTV partout dans le monde. Lorsque Daydreaming est sorti, tout est allé si rapidement. On a dû faire des vidéos, des tournées, des interviews. C'était irréel. Il y avait un truc qui m'échappait. Si bien que Tricky continue à écouter des sons venus du monde entier. Avec Tricky, ça dépasse, ça déborde. Comme les musiques indiennes par exemple. Et ce fantastique Rukmani de A.R. Rahman. La nuit des temps, Radio Duo. Oh, 20 février 1995 sort le premier album solo de Tricky. Pile au même moment, nous sommes en pleine vague Britpop avec des groupes comme Oasis, Suede, Blur ou Pulp. Et toute cette musique fabriquée par des jeunes gens nostalgiques des années 60, eh bien ça Tricky, il n'en veut vraiment pas. Et il puise dans l'énergie folle des clubs de Bristol. I got a letter from the government the other day. Opened it and read it, it said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her, but just that very minute it occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but the thought was done before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They drew the line, yo. They criticized me for some fun. Me giving a damn, I said never. Here is a land that never Bristol. Bristol est tricky. Ce soir dans la nuit des temps. Bristol n'est pas une ville immense, tout le monde se connaît et les connexions avec Londres se font facilement. Il n'y a pas que Tricky qui fait des infidélités au collectif Wild Bunch qui donnera naissance ensuite à Massive Attack. C'est aussi le cas de Nelly Hooper qui façonne de son côté une musique pour les clubs. Il imagine un son plus lumineux, plus soul, plus jazz, beaucoup plus dance. Et il rejoint les londoniens de Soul to Soul. Ils vont rendre dingue la planète avec un titre comme Back to Life. Nelly Hooper produira ensuite des ozos comme Björk, les Smashing Pumpkins, Tina Turner ou Craig Armstrong. Ah ben tiens, pour se faire plaisir, on plonge dans un remix parfaitement afro et génial de ce Back to Life. C'est signé par le non moins fantastique Zéphrin Saint. Soul to Soul, comme son nom l'indique. La nuit des temps, l'international de la danse. C'était le son de demain, Soul to Soul, en 1989, remixé en 2020, Back to Life. En 1994, Björk publie son premier album solo produit par Nelly Hooper. Tricky, lui, ne manquera pas de son côté de travailler avec elle, comme une évidence, comme sœur et frère de son. La nuit des temps, Radio Duo. Don't mind the crowd, search for the spaces, and turn around, time's gone, take down paces, build up a hit, can't make any tail of it, I drink till I'm drunk, and I smoke till I'm senseless. Seeing black and white, feeling slow motion. I drown myself in sorrow until I wake up tomorrow. The illusion of confusion looks like from where I am sat. Circle with circle, resemble me. Different levels of the devil's company. Results of my rage. The place where I stand gives way to the quicklime. Underneath the weeping willow lies a weeping willow. The place where I stand gives way to the quicklime. Underneath the weeping willow lies a weeping willow. À 30 minutes de Bristol, une banlieue chic. C'est très chic car il y a un lac. Et même qu'au bord de ce lac, Bev Gibbon traîne sa mélancolie et ses samples. Portishead, c'est le groupe qui fâche Tricky et c'est le nom de ce bled. Ou l'inverse, il s'accuse de sampler les mêmes sons avec Tricky. Ou de flasher sur les mêmes références. Voici les chics Portishead. Feel. La nuit des temps, l'international de la danse. The number one tourist attraction of Bristol is the 19th century floating harbor, which is the heart of the cultural life. Full of restaurants, shops, bars. It's a lovely album, and it's got some superstars on it, hasn't it? I was just looking, including covers and interpretations of your work. The first iron stanchion, which crossed the Atlantic Ocean in 1845, is covered by Sia. Bristol, England is a vibrant city with a rich history and a thriving cultural scene. Located in the southwest of England, it is known for its iconic suspension. So I don't know really much about scenes and stuff. I've never really went to New York and moved into a scene, or went to LA and moved into a scene. But, you know, I've got friends and I've got my music here. It's different. Look where I come from. Constantly juicy, so juicy. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. It's something that's schism. Living out the stuff that if you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Look where I come from. Silly juicy, seduce me. Dress me up in stitchy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations. A watch become a venom. It's my brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. And as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Look where I come from. So they juicy, seduce me. Dress me up in stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you wanna see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Ce son qui déchire le débordant Tricky ou la chic Beth Gibbons, eh bien c'est Isaac Hayes, l'américain Isaac Hayes. Et nous sommes, oui, en 1971 et l'on entend les sons de Bristol se mêler au tréfonds du blues et de la soul américaine. Love. Love. I know you can hear me. See, we've known each other a long time. I guess right now you've got the last laugh. I know I abused you. I took advantage of you. And I used you selfishly. Apologize now. You see, because after suffering so much, I know that I was wrong. You're the only one I can turn to, because I misused you, and you're the only one that can straighten it. You see, love, I can't sleep. Even eat. Don't go anywhere anymore. Love, I'm begging you to help me. And love, if you help me just this once, I won't misuse you anymore. I won't be cold anymore. I'll forever keep you in my heart. I wonder why miss them so. I never had a mother's touch or a father's hand. A good woman's love, why? I just don't understand. Maybe I'm the one who made myself blue. Won't you help me, love? Help me find happiness with you. Help me, love. Help me love. Help me love. Find my way. Help me love. $10 in today. Help me love. You're my own. Help me love, make me once again a man. Help me love, I need you so bad. Help me love, give me the chance I've never had. Fut l'un des instigateurs du trip hop, c'est aussi sans doute l'un de ceux qui quittera le navire très très vite pour naviguer vers des mers plus inattendues ou en tout cas insaisissables, comme le dit Florine Delcourt dans son petit bouquin génial qui s'appelle Tricky Antistar Superstar et qui est publié chez Playlist Society et qui aura inspiré notre numéro spécial Tricky ce soir de la nuit des temps. Et puis pour nous, bah, c'était surtout aussi l'occasion de replonger dans cette bonne vieille ville de Bristol qui aura su, au détour des années 80 et 90, croiser le punk, le reggae, le rap, l'électro, pour revivifier le clubbing au même titre que Manchester quelques années auparavant. Et puis c'est aussi une manière de nous rappeler que l'un des cœurs battants de Tricky était bien le club, le dance floor. La danse. Et voilà, c'est l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. Et ce soir, autour de Tricky, nous avons reçu depuis Bristol les Big Bag et leur soul bricolo. Smith and Mighty qui auront tant ambiancé les clubs de Bristol. Ah, Néné Chérie, la fille de son père, le trompettiste de jazz qui aura été le petit coup de pouce nécessaire pour que Tricky passe enfin à une carrière solo. Il y avait aussi Nellie Hooper et son Soul to Soul qui aura tant allumé les clubs de Londres après avoir quitté Bristol. Comment ne pas parler de Bristol sans Portishead, juste à côté, les meilleurs ennemis de Tricky. Un grand grand grand merci à Vincent Lecomte pour ses créations soniques et fantastiques comme toujours et qui auront permis ce soir de saisir un petit bout de Bristol et la voix de Tricky, la voix rauque de Tricky qui se disait mauvais chanteur, mauvais rappeur et tellement génial. Et puis comme souvent dans la nuit des temps, on le fait pas exprès, eh bien Isaac Hayes, que l'on retrouve toujours là où on ne l'attend pas, lorsqu'il s'agit d'inspirer d'autres générations de musiciens avec sa soul vibrante et veloutée. C'était la nuit des temps numéro Tricky. Tricky qui même du tréfonds de sa danse parfois dark, regardait lui aussi les étoiles. Et comme nous, chaque jeudi soir, en sortant de la nuit des temps, qu'est-ce qu'on fait ? On lève le nez vers le ciel de Saint-Étienne Et on poursuit avec quelques bonus, toujours en regardant ce ciel. Deux bonus ce soir, en compagnie de Tricky. Les étoiles de Saint-Étienne. Elles dansent toutes autour du pylône de Radio Duo. Radio Duo qui va continuer cette nuit à émettre et à diffuser ses bonnes ondes, libres et sauvages. Buena noté. Salut! La nuit des temps, Radio Duo.